je suis dans le noir. Toi et moi rien à voir. J'ai pas choisi d'être à part. Je suis seul ce soir. Regarde-moi tourner la page. Je vais entrer dans l'histoire. Lunettes noires, je suis dans le noir. Toi et moi rien à voir. J'ai pas choisi d'être à part. Je suis seul ce soir. Regarde-moi tourner la page. Je vais entrer dans l'histoire. Yeah. Tous mes pas sont rythmés, j'arrive précis comme un soldat. Bloqué dans un cauchemar, putain je suis insomniaque. Si la vie est un jeu, mon ami l'homme est dans postal. Merde, je suis dans un décor mal fait. Frelon, y'a des corps par terre, quand je dors pas je flex. Je suis peut-être fou comme Niars Barclay. Plus je grandis, plus j'encaisse, je veux pas de mon nom dans la presse. Trop de comédiens dans la pièce, damn. Je suis toujours en peignoir, je touche à rien comme Edouard. Jamais je suis la flèche, je suis seul. Cocaine, ils connaissent tous Billy Cocaine. Pas le dragon dans l'abdomen, perdu dans mes pensées, pas de porte de sortie. Mon double dans le dos, j'ai croisé Dostoïevski. L'ennemi repose en paix, j'ai vu la mort de profil. Donne-moi ton cœur, pas la terrasse. Que du cristal dans le thorax. Ce que tu dis ne m'intéresse jamais, juste milieu n'est pas terrestre. L'empereur hier était touriste, aucun répit, je ne l'autorise jamais. Lunettes noires, je suis dans le noir. Toi et moi, rien à voir. J'ai pas choisi d'être à part. Je suis seul ce soir. Regarde-moi tourner la page. Je vais entrer dans l'histoire. Lunettes noires, je suis dans le noir. Toi et moi, rien à voir. J'ai pas choisi d'être à part. Je suis seul ce soir. Regarde-moi tourner la page. Je vais entrer dans l'histoire. Près de moi c'est mauvais, tu vas sombrer dans la folie. Bientôt 2 ans que j'ai quitté, je me sens toujours alcoolique. Tu peux frapper l'homme est solide, j'ai dû pratiquer le vice. Aucun ami que des acolytes, mon épiderme est symbolique. Tu veux pénétrer le regard dans la surface et dépoli. Laisse-moi te prêter mes yeux, tu verras le monde est moins joli. Oh, kill.